comme un démente. Comme blédard distille. Dispo prod ça démonte. Un mec peinard qui tisse. Notre rap y'a pas de honte. Juste ton peinard distrise. Toujours discret. Pas de bling bling en artifice. Soigner l'image que tu montes. Vu la distance c'est d'art ici. Réel est ce monde. Y'a pas d'héros comme d'art de vie. Le rituel va comprendre que c'est tout un art de vivre. On est halte, t'inquiète. Aucune attente en retour. Depuis le temps qu'on baguette. Pas là pour jouer un sale tour. Quelques types compris le don. Manier le big avec aisance. Pas de perte ni d'abandon. Toujours la courbe reste croissante. J'ai déjà dit l'équipe. C'est plus qu'un numéro. Je me rappelle tu te moquais de nous. Quand c'était nul et drôle. Depuis j'ai pris le syndrome. Écrire est devenu vital. Pas pour le best se sentir bien. C'est de l'énergie que je ravitaille. S'accroche, y'a cœur au mic au son. Putain c'est pour le délire. Je suis l'épice à ta cuisson. Je suis bien conscient mec. Qu'au sein de la team y'a le potentiel. D'être insolent c'est pas des contrats. Mes potes aussi. Je vais faire plaire autour d'une tête. Plutôt que bouger mon boule en bois. Mes buts faut que je les atteigne. J'suis du sous-vide et pas de la boîte. Concentré dans ce qu'on fait. Sans aucune date de péremption. Là je concocte une bonne recette. J'espère que t'as pas d'appréhension. Pas d'objectif concret. Ça reste artistique. Rester bon comme un démon. Comme blédard distille. Dispo prod ça démonte. Un mec peinard qui tisse. Notre rap y'a pas de honte. Juste ton peinard distille. Toujours discret. Pas de bling bling en artifice. Soigner l'image que tu montes. Vu la distance c'est d'art d'ici. Réel est ce monde. Y'a pas d'héros comme d'art de vivre. Le rituel va comprendre que c'est tout un art de vivre. Ça rentre dans tous les sens. On a appris ensemble afin que la douleur cesse. C'est le double S. On se fait des passes depuis 7 ans voilà. Tu sais qui pose à l'envolée. Ici les campagnards. Le rap m'a pris dans le dos. M'a entaillé tel un coup de poignard. Ça croche mon doute bien entaillé. Toi seul m'accompagneras. Aucune étoile nous fait de signe. L'étincelle d'un couple rare. Juste on étoile nos défaites ainsi. On rap d'entrée partout dans l'auto et même dans le train. Peut-être un jour la route tourne. Bien plus qu'un jeu les dents tranchantes. Cerné par temps de nuit courte. Nos deux tronches resteront sincères. Tant que personne nous donne les cartes. Faut pas qu'on se rate les gars. Moi j'laisse parler si les conjacs. J'prends des gros gifles au jour le jour. Rien que j'cogite sur un perso blindé de ganja. Sur un perso blindé de ganja. Pas d'objectif concret, ça reste artistique. Rester bon comme un témoin. Comme blédard distille. Dispo prod ça démonte. Un mec peinard qui tisse. Notre rap y'a pas de honte. Juste ton peinard distrime. Toujours discret. Pas de bling bling en artifice. Soigner l'image que tu montes. Vu la distance c'est d'art d'ici. Réel est ce monde. Y'a pas d'héros comme d'art de vivre. Le rituel va comprendre que c'est tout un art de vivre. Pas d'objectif concret, ça reste artistique. Rester bon comme un démon, qu'un blédard distille. Dispo prod ça démonte, un mec peinard qui tisse. Notre rap y'a pas de honte, juste ton peinard distrime. Toujours discret, pas de bling bling en artifice. Soigner l'image que tu montes, vu la distance c'est d'art d'ici. Réel est ce monde, y'a pas d'héros comme d'art de ville. Le rituel va comprendre que c'est tout un art de vivre, mec.